Génération Manga épisode 501 aujourd'hui, ouais, dans une poignée de minutes, Chris va nous rejoindre, mais il vient de loin, donc il faut le temps qu'il arrive, vous comprenez ça? En plus, il fait pas chaud, hein. Il fait pas chaud. Alors, que plein de nouvelles, hein. Donc je vous ai parlé déjà du super quintuple CD Génération Dorothée qui va sortir en décembre et qu'il ne faut surtout pas acheter. Parce qu'il n'y a pratiquement rien d'intéressant dessus. À tout casser, il y a peut-être 6 titres qui sont intéressants parce qu'ils ne sont jamais sortis en support CD, quoi. Mais sinon, rien de nouveau sous le soleil. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'apparemment, nos amis de Télé 80 ont bien l'intention en 2016 de trouver un arrangement avec AV Productions pour eux sortir le CD que nous, on veut et on attend. Donc on touche du bois, on espère que ça va se passer comme ça et que AB sera pas trop gourmand. Alors moi je ne saurais trop vous conseiller, je viens de le dire mais j'insiste bien là-dessus, de ne pas acheter ce quintuple CD de Génération Dorothée. Et pourquoi? Je vais vous l'expliquer tout de suite. C'est parce que s'il se vend bien ce CD, AB va se dire « Ouais, nos merdes ça marche bien, donc Télé 80 on va leur demander beaucoup de pognon en droit pour les laisser sortir leur CD ». Alors que si ce quintuple CD ne se vend pas du tout ce qu'il mérite, ils se diront bah, notre catalogue il vaut rien, donc si vous voulez en sortir, allez-y, mais franchement vous perdez votre temps. Et donc du coup ils vont pas voir la Vierge demander trop d'argent. Donc raison de plus, si jusqu'à présent on savait pas trop dans quelle eau on allait naviguer, maintenant on le sait, il faut absolument que ce quintuple CD fasse un bide de vente. Comme ça on pourra voir tranquillement ce qu'on veut. Télé 80 pourra acquérir les droits sans payer trop et c'est ça qu'on veut. Voilà. Donc, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Surtout, ne pas acheter. Boycottons. D'ailleurs, j'en profite de vous parler de boycottons. Ça me fait penser au ménage enchanté, Barbapapa. Parce que Universal détient les droits des disques qui sont sortis à l'époque sur Barbapapa. Et donc, Télé 80 voulait sortir donc, dans sa collection les disques de Barbapapa. Et donc, ils sont allés vers Universal, ils leur ont demandé « Tiens, vous avez ça dans votre catalogue, est-ce que t'as dit patatata ?» Ce qui a mis la puce à l'oreille d'Universal, leur dit « Ah oui, mais vous avez raison, on a ça dans le catalogue, donc on va le sortir nous-mêmes. » Donc, si vous voulez un CD avec plein de chansons sur Barbapapa, il est sorti chez Universal, il coûte 17€ à la FNAC. Et donc, vous pouvez le trouver, c'est eux-mêmes qui ont sorti les trucs. Enfin, nous, ce qu'on veut, avant tout, c'est que ça sorte, hein, ma foi. Donc, si ça sort, tant mieux. Bon, personnellement, moi-même, je ne suis pas grand fan de Barbapapa, vous l'aurez compris, étant donné que je vous le passe absolument jamais, c'est qu'il y a une raison. Mais pour ceux que ça intéresse, c'est très bien que ça sorte. Moi, je suis pour que tout sorte, pour que tout le monde soit satisfait. Donc, satisfaisez-moi. Donc, voilà. Alors, on va s'écouter une petite chanson, histoire de laisser le temps à notre ami Chris donc, d'arriver. Qu'est-ce que je vais vous proposer de beau Allez, puisqu'il y a des chansons de Carlos sur l'immonde quintuple CD de Génération Dorothée, on va s'écouter un Carlos. Donc c'est pas Boula Boula que je vous avais mis la dernière fois, c'est l'autre chanson que je sais même plus comment elle s'appelle. Bon, on s'écoute ça, puis on voit bien ce que ça donne. La Boula Boula Baboula. Allez, on fait la fête avec Carlos. Je balance dans le cosmos des gêneurs d'un coup de panache. Je roule pour vous, mais je suis pas dans les mauvais coups. Sauf quand le vieil Oscar me joue des tours avec ma petite étape. Boula, boula, boula, tout, boula, boula, boula. Boula, boula, boula, boula, boula, tout, boula, boula, boula. Boula, boula, boula, boula, boula, tout. Boula, boula, boula, boula, boula, boula, boula, boula, boula, boula, boula, boula, boula, boula, boula, boula, boula, boula, boula, boula, boula, boula, boula, boula, boula, boula, boula, boula, boula, boula, boula, boula, boula, boula, boula, boula, boula, boula, boula, boula, boula, boula, boula, boula, boula, boula, boula, boula, boula, boula, boula, boula, boula, boula, boula, boula, boula, boula, boula, boula, boula, boula, boula, boula, boula, boula, boula, boula, boula, boula, boula, boula, boula, boula, boula, boula, boula, boula, boula, boula, boula, boula, boula, boula, boula, boula, boula, boula, boula, boula, boula, boula, boula, boula, boula, boula, boula, boula, boula, boula, boula, boula, boula, boula, boula, boula, boula, boula, boula, boula, boula, boula, boula, boula, boula, boula, boula, boula, boula, boula, boula, boula, boula, boula, boula, boula, boula, boula un cri qui tue, c'est un cri qui me donne des ailes. Ah, bas les pieds dans la glu, vive la vie quand elle nous appelle, suis-moi. Pour rêver d'aventure dans de la nature, pour vibrer, pour danser et d'un lever sur les boula boula. Boula boula boula tout. Boula boula boula boula boula boula boula boula boula boula boula boula boula. Voilà le rap de Carlos, hein, c'est pas génial ça? C'est pas sur le CD hein, de Génération Dorothée, si jamais d'aventure cette chanson vous plaisait. Oh mon dieu, quelle horreur! Non, non, mais je suis sûr que ça vous plaît pas, on est d'accord. Non, ça c'était donc un truc qui était par rapport au dessin animé de Carlos. Hein. Vous vous rappelez le dessin animé de Carlos? Quelle horreur ça aussi! Ouh mon dieu, quelle horreur! On préfère oublier ça. Je me rappelle, il y a un truc aussi horrible qui me revient à l'esprit. Je crois qu'il y a eu une sitcom sur les To Be Free, un truc comme ça. Oh là là, mon dieu! Au secours! Non, je t'ai plus. Donc voilà, enfin c'est un petit peu tout ce genre d'immondice qui va se trouver sur ce quintuple CD qu'il faut ne pas acheter. C'est bien, je vois que vous suivez, c'est parfait. Voilà, c'est pourtant pas compliqué. Hein. Donc il faut ne pas l'acheter. Alors voilà une des chansons qui aurait été sympa d'avoir sur le disque, mais qui n'y est pas, encore une fois. C'est Chevalier de notre temps, c'est la face B de Masque. Et c'est interprété par notre Bernard Minet National. Et celle-là, c'est une chanson qui est sympa et qu'on voudrait bien puisqu'elle n'est jamais sortie en CD. Puisqu'elle était que sur le disque, comme je viens de le dire, n'est-ce pas? Allez, Chevalier de notre temps, c'est parti! Pour sauver l'espoir et la paix, se battre pour préserver au monde sa liberté. Pour que s'ouvre des lendemains, où le bien triomphe enfin, les méchants des assassins. Ils sont prêts à tout sacrifier pour faire enfin triompher les faibles et les opprimés. Chevaliers de notre temps, héros secrets du présent, contre toutes les forces du néant. Bâtisseurs des temps futurs, vous partez à toute allure, sans peur vers de nouvelles aventures. Défenseurs des opprimés, guerriers de la liberté, un jour vous ferez triompher la paix. Car vous avez dans le cœur le courage des vainqueurs pour que le monde n'ait plus jamais peur. Pour voir le soleil se lever sur un monde où l'amitié pourra enfin triompher. Pour délivrer à tout jamais notre pauvre humanité des angoisses du passé. Ils sont prêts à tous les combats car au cœur ils de la justice et du droit. Ils savent qu'un beau jour viendra où le bien triomphera et où la paix régnera. Chevaliers de notre temps, héros secrets du présent, contre toutes les forces du néant. Bâtisseurs des temps futurs, vous partez à toute allure, sans peur vers de nouvelles aventures. Défenseurs des opprimés, guerriers de la liberté, un jour vous ferez triompher la paix. Car vous avez dans le cœur le courage des vainqueurs, pour que le monde n'ait plus jamais peur. Chevaliers de notre temps, héros secrets du présent, contre toutes les forces du néant. Bâtisseurs des temps futurs, vous partez à toute allure, sans peur vers de nouvelles aventures. Défenseurs des opprimés, guerriers de la liberté, un jour vous ferez triompher la paix. Car vous avez dans le cœur le courage des vainqueurs, pour que le monde n'ait plus jamais peur. Chevaliers de notre temps, héros secrets du présent, contre toutes les forces du néant. Elle est pas mal quand même celle-là. Bah, liez pas, tu vois, liez pas sur le stick. Alors, ça aurait pu être sympa de l'avoir en meilleure qualité, parce que comme vous l'entendez, ça... Et oui, forcément, parce que, comme je vous l'ai dit, c'est un vinyle, ça existe qu'en vinyle, ça. Mais bon, c'est une face B, les gens, ils penseront jamais. Bah, évidemment que non, ils en penseront pas, alors. Alors, il y a une autre chanson, c'est quand même une chanson vachement connue, quoi, faut pas déconner. C'est du Dorothée en plus, vous voyez que je fais des gros efforts hein, pour essayer d'entrer dans leur tête à ces abrutis. Et ben ils l'ont pas mise non plus celle-là, c'est un scandale. Alors bon, bien sûr c'est tiré d'un jeu de plateau hein, qui est inspiré de loin par le Seigneur des Anneaux, vous savez, tous ces trolls, tous ces machins et tout, compagnie. C'était bien entendu le Sourire du Dragon, où on a des enfants qui vont dans un parc d'attractions et qui se retrouvent dans un monde médiéval fantastique, avec des pouvoirs, avec des armes en particulier, que Vengeur veut s'emparer des armes. Et puis il y a le grand maître qui sait tout, qui est un peu inspiré de Yoda, il est tout petit, il sait tout, un truc. Le Sourire du Dragon, et ben, il n'est pas sur le CD non plus, alors qu'il aurait très bien pu y être, le Sourire du Dragon, voilà ce que je dis. Par-delà la raison, d'étranges créatures, des monstres de terreur, aux ordres de vengeurs, guerre contre le mal pour un idéal. Donjons et dragons sur une planète, derrière l'horizon où seul le grand maître connaît tous les secrets qui feront triompher l'espoir et la paix au nom de l'amitié. Grande aventure, par-delà la raison, d'étranges créatures, des monstres de terreur, aux ordres de vengeurs, guerre contre le mal pour un idéal. Donjons et dragons sur une planète, derrière l'horizon, où seul le grand maître connaît tous les secrets qui feront triompher l'espoir et la paix pour l'éternité. Donjons et dragons sur une planète, derrière l'horizon, où seul le grand maître connaît tous les secrets qui feront triompher l'espoir et la paix au nom de l'amitié. Voilà, le Sourire du Dragon, Donjons et Dragons. Voilà, ça c'est une des rares génériques de Dorothée, hein, déjà rare générique de Dorothée qui est écoutable. Alors voilà quoi, mince, ben, ça y est pas. Non, ça y est pas, ça. Par contre, il y a ça. Alors, effectivement, c'est une petite curiosité, c'est sûr. C'est Ariane qui chante, hein. Mais c'est pas le truc pour lequel on va acheter un CD, hein. C'est Charlotte aux fraises. Charlotte, Charlotte aux fraises, petite. frère. Petite fille jolie, au grand cœur d'héroïne. Charlotte, Charlotte, au frère, tu nous fais rêver et tu nous fais chanter. Au pays magique, trois notes de musique, tout le monde aime bien Charlotte. Un bon papillon appelé vol au vent, au lieu d'un avion, c'est bien plus amusant. Charlotte, au pays magique, trois notes de musique, tout le monde aime bien Charlotte. Au pays magique, trois notes de musique, tout le monde aime bien Charlotte. Au pays magique, trois notes de musique, tout le monde aime bien Charlotte. Voilà encore un générique inédit qu'on aurait voulu avoir sur ce putain de CD. Hein, c'est encore une chanson de Dorothée. Oui, je fais des efforts. Hein, le rêve de génie. Eh oui, vous vous rappelez du rêve de génie? Ben non, vous vous rappelez pas du rêve de génie. Et pourtant, il y avait un générique pour cette série aussi. C'est celle-là. Ben d'accord, là, c'est le japonais, forcément. C'est le japonais, c'est le japonais, je me suis trompé. Là, là voilà la VF. Ça. Elle s'appelle Jeanne. C'est une petite fille jolie comme une fleur nouvelle. Elle a beaucoup d'amis qui l'aime, qu'elle aime aussi. Mais la vie n'est pas tendre avec elle. Voilà, hein. C'est pourtant Dorothée, donc normalement, si c'est du Dorothée, on pourrait faire un petit effort, moi je sais pas. Hein. Bon, il y a aussi Hélène qui a chanté des génériques, il y a que Mako qui est sorti en 45 tours, et pas le reste. Par exemple, il y a Meg la sorcière aussi en générique. Eh ouais, Meg. Gentil. Tintintin. Eh oui, Meg, bon sang. Et ça, ça existe en version longue. Je l'ai entendu de mes oreilles. Donc, il n'y a pas à se tromper là-dessus. Ça existe. Faut pas me la raconter. J'ai entendu de mes oreilles moi-même. Je vous le dis, je vous le certifie. Il y a une version longue de Meg. Je l'ai entendu. Donc ça, c'est sûr et certain, ça existe. Magic Tickle, maintenant. Alors, Magic Tickle, ça commence, ouais. Alors, allez, vas-y, Magic Tickle. Il y a toujours dans la vie un petit tour de magie, une petite chose qui vous fait rêver. C'est fantastique, ça nous fait chanter. Magic Tickle, jolie petite fée. Magique, viens nous enchanter. Ça existe tout ça, hein. Bon, et apparemment, il y a des versions longues qui dorment chez AB. Donc, c'est ça qu'il faut. Alors, on a un petit souci, parce que figurez-vous que Télé 80, apparemment, ils pourraient demander à AB que si c'est sur leur catalogue de trucs qui sont sortis un jour. Alors, là, du coup, on est dans la merde, parce que nous, ce qu'on veut, c'est des trucs qui sont jamais sortis, justement. Donc, il va falloir insister et bien aller voir le responsable qui sait où sont les trucs et machin. Il va falloir discuter, les gars. Je compte sur vous. Alors, cela dit, Télé 80 a quand même fait quelque chose de bien, pour une fois. C'est qu'il nous annonce pour 2016 un CD sur Rock Vacances, avec plein de génériques qui sont super rares en disque. Donc là, pour le coup, ça sera peut-être sympa. Pour une fois, ça faisait longtemps qu'ils n'avaient pas fait un bon truc. Donc, on croise les doigts, on compte dessus beaucoup, beaucoup, beaucoup. Hein, la fois. Croque Vacances, c'est le temps des vacances. Et puis, Préhistorique, les trucs d'Isidore et Clémentine, toutes ces sortes de choses. Il fait beau, il fait chaud et on va pas travailler. Prends ton seau, ton râteau, va faire des pâtés dans l'eau. Quelle chance, quelle ambiance, on va se lever à midi. Quand ça danse, ça balance, pour nous, c'est ça les vacances. Eh ouais. Alors, un qui est plus en vacances puisqu'il vient d'arriver, c'est notre ami Chris. Alors, comment je vois que tu as la pleine forme là encore hein, cette semaine. Ouais, bah je suis remonté là contre ce putain de CD. Donc j'invite, comme je le disais, tout le monde à ne surtout pas l'acheter, afin qu'AB pense que son catalogue ne vaut rien, afin qu'il cède les droits pour pas cher à nos amis de Télé 80 pour espérer peut-être avoir ce qu'on veut. Oui, alors, bah, il se trouve que ça risque de marcher, c'est ça le problème. Eh bah, tant mieux, tant mieux, tant mieux. Non, non, mais le CD de Dorothée, je parle. Ah, non, non, ça marchera pas. Il y a plein de gens qui sont comme moi, qui sont outrés. D'après les dernières informations que j'ai pu avoir du distributeur, il se trouve qu'il y a eu énormément de précommandes faites par les Leclerc, Carrefour et compagnie. Ouais. Et que... Mais bah, c'est pas pour ça qu'ils vont les vendre, hein. Ah, mais je pense qu'il y a eu des précommandes clients aussi. C'est le cas pour les Leclerc Couture. Donc, il y a une forte demande. Du coup, ils vont être obligés de redemander des exemplaires. AB n'avait pas forcément prévu autant pour les préco, hein, je parle. Ah, du coup. Ils vont être obligés de refournir dans un deuxième temps. Donc, c'est bien parti pour fonctionner. Bon, ça sert à quoi ce que je me tue à vous dire à longueur de semaine? Bon sang, vous êtes cons! Ah, je crois que vous l'avez bien entendu. Et là, les auditeurs n'ont plus de tympan s'ils écoutent avec un casque. De toute façon, ils achètent et qu'ils écoutent ce disque de merde, ils n'auront plus de tympan non plus. Donc au moins, comme ça, on va le faire avant, comme ça, ça c'est fait. Là où AB a été malin, c'est que plutôt que de sortir, on va dire, en mars, au printemps, peu importe l'été, pour Noël, j'entends juste bien. Avant Noël, pour que, bah voilà, le petit cadeau de dernière minute, mais par exemple, c'est pas hashtag cher. Hashtag cadeau empoisonné. Voir aussi quelque chose qui a pu inciter les gens à ce revival, c'est toutes les émissions depuis 6 mois qu'on se tape sur la TNT, Génération Dorothée, Nostalgie Dorothée, etc. Ça a réveillé un petit peu le public. Donc au niveau stratégie marketing, ils ont tout bon et du coup ça a l'air de bien fonctionner. Mais là où ils ont tout faux, c'est que c'est dans le contenu, on est d'accord. C'est dans le contenu et en plus, je trouve ça aberrant que AB paye des droits à d'autres maisons de disques pour mettre des chansons sur leur CD alors qu'ils en ont suffisamment à eux, quoi. Alors oui, il faut se méfier parce que certains titres qui ne sont pas à eux ne seront pas forcément... Exactement, il faut se méfier. Mais je ne connais pas de cover des Cités d'Or de eux, alors... Non, alors ça par contre... Je ne pense pas que ça sera une fausse, celle-là. À la limite, on est dans le concept, c'est vrai, puisque... Ça parle de récré à deux hein, sur le coffret. Les Cités d'Or, c'était à cette période, etc. Par contre, je ne vois pas ce que fout Cat Size dans le coffret. Voilà, par exemple. Vu que ça n'a rien à voir. Ni Astro le petit robot. Exactement. Voilà, mais il faut être décollé. Plutôt que de mettre ces génériques qu'on aime bien, mais qui n'ont aucun rapport avec la thématique. Et surtout qu'on a déjà 1000 fois en CD. C'est donc, sorti, tout ça, ça existe déjà, t'as qu'à te baisser pour les ramasser. Exactement. Donc, malheureusement, je crois que les inédits resteront dans les cartons de AB. Hein, non, moi vivant, ça n'arrivera pas. J'irai les faire moi-même s'il faut, bon sang. Alors c'est un petit peu compliqué, effectivement, comme tu l'as dit tout à l'heure. C'est que AB est très gourmand au niveau des droits, hein, que ça se vende ou pas d'ailleurs. Ouais. Ça se vendait pas il y a un an, on parlait pas trop de AB et Dorothée avant qu'il y ait toutes ces émissions. Certains labels, dont Télé 80, essayaient d'acquérir certaines chansons. Ouais, ils voyaient la Vierge. Alors sans te dire de bêtises, ils demandaient la bagatelle de environ 2000 euros par titre. Par titre, ouais. Non mais bah donc, pour quelqu'un qui va tirer un CD à 500 voire 1000 coup, ouais. exemplaires, il rentre même pas dans ses frais en achetant les titres. Donc, comme Paul le pêcheur, celle-là, je l'avais en long. Vers le cœur, en fait. Vas-y, continue à parler. Voilà, donc il y a un autre souci aussi, donc c'est les droits qui sont assez élevés, sous réserve qu'il y ait validation des droits. Et comme tu le disais, ils ne vendent que les choses qu'ils ont déjà éditées au catalogue, oui, et pas ce qu'il y a chier. En archive qui a servi, etc. Donc on a peu de chance, malheureusement, de voir ces titres. C'est un mais peu si dommage. On les demande expressément, c'est différent. Faut les demander expressément. Si tu y vas comme ça, la fleur au fusil, forcément, ils disent « Ah bah nous, on a que ça sur le catalogue, sur mon ordinateur, je suis en train de regarder, j'ai que ça. » Mais non, il faut dire « Non, non, non, mais il y a des trucs qui sont... » Voilà, mais c'est un petit peu plus compliqué que ça, puisque ce qui est sorti est déjà, on va dire, masterisé sur bande. Si tu demandes des titres qui sont dans les archives, déjà, il faut fouiller dans les archives, il faut les retrouver. Il faut les remasteriser, oui, il faut mais... faire ce qu'on appelle une matrice. Oui, donc mais on a un petit gars dans les locaux qui savent pertinemment où ils sont. Donc pour les retrouver, c'est pas un souci du tout, il sait où c'est. Voilà, après il va falloir donc traiter les bandes, donc les reprendre, les remixer, masteriser, enfin, etc. Ça demande un coût, évidemment. Mais ça fait rien, moi je le veux dans son jus, ça jamais servi, bien c'est sûr, tout on neuf. On est d'accord, mais il se trouve que l'investissement par rapport à ce que ça pourrait leur apporter ne les intéresse pas. C'est le cas d'Universal. Universal... ce qu'ils veulent, c'est des pépettes. Ah, mais comme je disais, Universal a quand même sorti le CD de Barba Papa. Oui, alors ils c'est ont une fait exception, l'effort. Ils ont fait l'effort parce qu'ils espèrent en vendre pas mal, mais à mon avis, si ça se vend pas, ah bah ça ils en resteront là. Vendre, ils en resteront bah évidemment que ça se vend pas. Le problème d'Universal, c'est qu'ils ont énormément de choses, puisque, comme tu le sais, il y a plein de maisons de disques qui ont disparu, qui n'existent plus, oui, ou oui. des petits labels qui ont été rachetés. Ils ont récupéré pas mal de choses de ces maisons de disques. Donc c'est vrai qu'en théorie, dans les archives, ils ont beaucoup de choses. Mais ils s'en foutent. Il y a quelqu'un de chez Universal qui me racontait il y a quelques temps que certes, ils ont des choses, mais ça... souvent pas où c'est stocké, donc il y a des bandes quelque part, mais on ne sait pas trop, voilà. qui ne veulent pas s'embêter à tout répertorier ou à chercher, parce que ça prendrait du temps. Et mais il y a des gens qui se font un plaisir de le faire, oui, mais bénévolement. Eux, ils passent du temps quand ça rapporte quelque chose à la fin. Ouais, donc ouais. tu penses bien qu'un label comme Télé 80 qui tire à 500 ou à 1000 exemplaires, pour eux, ça ne rapporte rien, donc ils ne discutent même pas. Pour moins de 10 000 exemplaires, ils ne discutent pas, déjà. Donc c'est ouais, simple. Bah donc, oui, ça. Je comprends bien. C'est le problème, donc on risque de voir des bandes qui vont pourrir, comme ça a été le cas chez Saban. malheureusement, voir des enregistrements qui risquent de disparaître parce que c'est, oui, parce que comme on vous l'avait c'est raconté, un petit peu n'importe quoi. Comme vous l'avez raconté, il existerait, enfin, il a eu existé une version longue de Pole Position qui apparemment a noyé dans son jus et qui est morte du coup et qu'on peut plus entendre. Oui, donc les bandes n'existent plus. Il existe une copie de ces bandes. Personne d'ailleurs détient une copie, une personne qu'on connaît bien d'ailleurs. Donc il a la pole position en long. Il a la pole position en long. Oh, je veux pole position. Malheureusement, en long. Pour raison de droit et autres, il ne diffuse pas cet enregistrement, oui, ce qui est normal, mais il a donc avant que ça disparaisse, au moins c'est sauvé, c'est des déjà petites ça. Choses comme ça, des petites bandes avant que y compris d'ailleurs des bandes de chez Saban. Des bandes de crétins. Ah bah tu m'étonnes. Donc, malheureusement, sans être défaitiste, j'ai peur que tes espoirs, ces espoirs que tu nourris tant, j'irai bosser chez AB s'il le faut, pour le faire moi-même. AB n'embauche plus actuellement. Ouais. C'est non, pas bref, grave, j'ai une taupe au milieu. Même, c'est vrai qu'on est très déçus j'ai par, une ce, taupe là-bas. Par ce CD, qu'on aimerait voir beaucoup de choses, mais bon, c'est compliqué. On va dire que au niveau des droits et au niveau technique, par rapport à AB, c'est un petit peu compliqué. C'est voilà. un scandale. Alors, si vous êtes vraiment fan de générique, il y a quelques CD, si vous arrivez à les trouver pour pas trop cher, qui sont sortis il y a quelques années. Les fameux hits des séries. Alors là, attention, on ne parle pas du hit parade des enfants. Hein, beaucoup confondent le hit parade des enfants. Oui, bah, l'une oui, ou oui. l'une 2 ou l'une 3. Oui, oui, c'est le truc de sont AB, des ça. Choses assez basiques. On parle bien de hit des séries. Ça a été donc deux CD plus Génération Manga, si on compte, qui n'étaient pas faits par AB directement. Mais qui mais était qui bien utilisait... parce qu'il y avait trois voilà, inédits dessus. Qui utilisaient des bandes d'AB. Donc trois CD à voir ouais. qui sont intéressants, qui sont pas sorti à beaucoup d'exemplaires, ça s'est très peu vendu. Ouais, ouais, ça s'est très peu vendu. Ah, pourtant, j'en vois souvent, moi, en broc et compagnie. Et ben, il faut... faut les ramasser, ouais, les enfants. Parce que c'est assez difficile à trouver quand même, et quand on en trouve, les prix sont très élevés. Non, mais ils sont tarés, ça vaut rien, il faut pas déconner. 50 centimes, 1 euro au puce, les gars. Si vous cherchez ce truc, vous me demandez, hein, je le trouverai, moi. Arrête tes conneries. Alors, la particularité, voilà, sur ces... Alors, les deux compiles hits des séries de AB, c'est qu'il y avait des titres qui étaient sortis que sur ces fameux CD qui n'étaient pas disponibles ailleurs et qu'on n'en a pas retrouvé d'ailleurs. Hein. Donc il y a eu. Alors qu'est-ce qu'il y avait sur le hit des séries sur le deuxième, il y avait les deux génériques de Nicky Larson sur le même CD. Et c'est encore une autre, ça. Ça s'appelle Encore Autrement celui-là. C'est pas Hit par des enfants, il s'appelle non, Autrement. Non, c'est encore. Le hit des séries. Celui-là. C'est le hit qui est jaune, ouais, où il ouais, y avait Nadia dessus. Oui, il y a Nadia, il y a le deuxième générique de Nicky Larson, tout à fait. Exactement. Il y a Dan Cougar, Toby Cage, tout ça. Il y avait Dan Cougar, Toby Cage, qui sont assez rares quand même. Bah, ils sont que là-dessus, je crois. Mmh. Sur le Génération Manga, donc le CD, hein, pas l'émission, on avait Conan de Bernard Minet. Conan l'Aventurier, mais il était déjà sur un CD de Bernard, celui-là. Mais là, la qualité est meilleure sur cette... Ah bon, j'ai pas eu de différence, mais toi, tu as l'oreille qui tu est... Tu écouteras, la qualité est meilleure. Et il y avait aussi deux, trois titres. Barney Nedi, il y avait Jetman, voilà. En version longue. Il y avait Dragon Ball GT, qui était complètement inédit. Ah oui, une seule fois, voilà. On l'a vu là-dessus. Et Équipière de Choc aussi, de Savelli et une autre, qui était que sur ce CD aussi. C'était trois inédits, que là pour le coup, c'était bien. Et donc, il y a eu deux CD aussi, qui n'ont rien à voir avec AB, mais qui étaient intéressants à l'époque. Qui avait sorti des titres aussi pas courants et avec une qualité exceptionnelle. Alors là, pour le coup, c'était sorti chez Universal. Je ne sais pas si tu te rappelles, il y avait deux volumes. C'était 80, les génériques des années 80. Tube 80. Il y avait deux volumes qui étaient sympas. Il y avait des choses assez sympas dessus. Il y avait Zora Larousse qui n'était pas sorti en C d'ailleurs, d'ailleurs. Qui n'était pas sorti du tout, qui était sorti que là. Il y avait quelques croque-vacances aussi. Il y avait croque-vacances en super qualité. Il y avait Rémi aussi, le générique. Oui. Qui est quand même difficile à trouver. C'est vrai qu'il est complet. C'était vraiment. Et il y avait pratiquement tous les génériques de Goldorak sur le volume 1. Donc voilà, si vous êtes fan de génériques, de dessins animés, etc., hormis les logarithmes qui restent quand même la référence. C'était à l'époque, le top du top, ça. Le top du top, avec un super boulot. Voilà, ils ont sorti des vous trouver. Et plein d'inédits aussi dans les masters génériques, là, pour le coup. Des versions longues de chansons qu'on ne connaissait même pas. J'ai même découvert Marianne Première comme ça, je ne connaissais même pas le dessin animé, c'est pour te dire. Donc voilà, et puis des versions longues, des trucs. Enfin voilà, donc ça, on peut être le top du top, que déçu. Voilà. Alors. A contrario, il y a donc l'année dernière, de mémoire, ça devait être décembre, 2014. Je ne sais pas si tu avais vu cette compile qui s'appelait Les Enfants de la télé. Bon, on n'est pas spécialement fan de l'émission d'Arthur, on vous rassure. Oui, je l'ai aperçu, mais il me semble, je l'ai pas acheté. Où le contenu est beaucoup plus intéressant pour le coup que Génération Dorothée, parce que là, au moins, c'est pas difficile. Au moins, on avait des génériques de dessins animés. Ils avaient fait une bonne sélection. Oui, bon, mais c'est des choses courantes. Il y avait pas de rare. Mais quelqu'un qui a rien, il y avait ce générique-là, enfin ce CD qui était bien. Il y avait un CD, c'était bien thématisé avec les séries. Dans les séries américaines, hein, du style, par exemple, pour quelqu'un qui n'a pas les CD Saban, les Starsky & Hutch, l'agence touriste et compagnie. Oui, alors pour cela, on vous conseille Master Générique, Les Années Saban, volume 3, qui il y a tous ces machins-là, l'amour du risque. Exactement. CD était bien fait aussi, puisqu'il y avait les génériques d'émissions télé. Donc nous, on s'en fout, mais quelqu'un qui aime bien les génériques, ça, pour le coup, c'était des inédits, puisque les génériques d'émissions télé ne sortent pas habituellement en CD. Mais j'étais super content de cette compile, j'attendais. Moi. C'était plutôt pas mal, les enfants de la télé, la compile, c'est encore disponible. Il y avait, alors, de mémoire, il y a également 5 CD, à peu près le même prix, 16-17 euros. Là, pour le coup, c'est beaucoup plus intéressant si vous voulez avoir quelque chose d'assez varié, si vous n'avez pas spécialement les CD dont on a parlé. Voilà. Et puis encore, quand on parle typiquement de générique là, pour ce quintuple CD, il faut bien se dire qu'il n'y a que 2 CD qui sont concernés par ce truc-là. Il y a quand même 3 CD de merde. Je crois qu'il n'y a pas d'autres mots, hein, on va être clair. Avec que Dorothée et ses amis, hein, les Mallory Nataf, les Christophe Ripper et consorts. Hein. Tout ça, et puis le Jardin des chansons. Alors ça, c'est pour entendre Frère Jacques, pardon, que Dorothée, fait merci, le Jardin des chansons dans ce box, on se demande. Et c'est le fameux inédit que tout le monde se pisse dessus parce qu'il est tellement génial, tu vois. Donc, excusez-moi, c'est un peu hors thématique, fleuri, hein, mais c'est voilà, un peu hors thématique quand même. Voilà, moi je suis juste outré. Ça se sent que je suis outré. Bon. Et puis voilà, alors les amis de Dorothée, donc on s'en fout complètement. Ah, mais d'une force. Et puis alors, il y a quand même un bug sur cette compile. Si jamais vous aimez les amis de Dorothée, apparemment, il n'y a pas de titre de Jackie. Jackie, qui était une figure emblématique bien plus bah à mon oui, avis bah que alors, Corbière. On met plein de titres de Corbière, mais pas Jackie. Bah c'est quoi ce travail? Bah oui, il fallait mettre les rêveries d'un machin solitaire au plus oui, pied du monde. Oui, il y avait le parleur, du, des haut-parleurs. Voilà, aussi, nous deux, rien que nous deux. Tu voilà, vois, ce bon, genre c'est de des merde, conneries, là. Mais au moins. Voilà, il faut, faut assumer, hein, vous mettez de la merde. Alors moi, je vous en trouvais de la merde. Hein, c'est ça, quand même plus drôle que sans ma barbe, là, et tous ces trucs-là. Non, sans ma barbe, ça passe. Encore celle-là, je la crains pas trop. Bon, mais juste celle-là, il fallait pas mettre le reste. Non, non, mais ce qui est formidable, c'est quand même. Je prends au hasard Sébastien Rock au bar de Gès, Christophe Ripper, tu me fais vraiment craquer, Manuel Lopez parce que c'est écrit comme ça, Julie Quenio, Lola au chocolat, hein, le Miel Isabelle, le générique. Ah, t'as envie d'écouter ça dans ta voiture? Alors génial, c'est formidable. Qu'est-ce qu'il y en a d'autre encore? Malorinata, Fleur Sauvage, Babsi, Dance With Me, Les Filles d'à Côté, Babsi, Juste un petit peu d'amour. La musique de Pas de Pitié pour les Croissants aussi. Si, je crois. ABCD, L'été sur la plage, Les Années Fac, Anthony Dupré, Palavas les Flots, Camille Raymond, Comme un amour d'été. Je me rappelle même pas qu'elle avait chanté celle-là, Justine. N'importe quoi. Christine et Stéphanie, Ever, Ever. Mets un peu de musique, Manuel Lopez, Les Vacances de l'amour. Non, bah, pfff. C'est bon, au revoir. Hein. Vous avez besoin d'un frisbee? Vous avez trois frisbees avec votre truc pour le même prix. Bon, je vous en passe les meilleurs. Après la mère enfin, Michel. Voilà, donc on ne le met pas sur notre liste de cadeaux de Noël. Justement, on va en parler. Il y a plein de bouquins sympas qui sont sortis. Ah, il y a des trucs bien à acheter. Il y a quand même des trucs bien qui sortent. Bon, maintenant, on arrête avec les insultes et les trucs. Maintenant, on oui, parle de ce qui est d'ailleurs, bien. Tu ne parles plus de cette compile parce que je trouve que depuis la semaine dernière, tu en as parlé plus que. Que de raison. Oui, je pense que tu vas avoir l'effet inverse. Tu vas en faire vendre plein. C'est pas non, terrible. Non, mais ça, j'arrête pas de dire qu'il ne faut pas l'acheter. Moi, je préviens les gens avant. Oui, mais tu connais l'esprit de contradiction. Il suffit que tu dises qu'il ne faut pas acheter pour que certains aient envie achetez-le, de l'acheter. Justement. Achetez-le par milliers, prenez plusieurs exemplaires et offrez-le à votre grand-mère. Il va pouvoir au moins écouter le CD5. Chaque année, on vous fait un petit peu notre liste de oui, trucs le sympas shopping à acheter. Du Père Noël. Oui, voilà, parce que bon, il y a des cadeaux à faire. Il y a quand même des trucs bien aussi. On est à un mois à peu près, quelques jours près de Noël. Donc il est temps d'envoyer son courrier au Père Noël. Avec un et c'est le moment de faire ses achats aussi de Noël. Cette année, il y a des trucs sympas, mais il y en a moins quand même. J'ai trouvé, donc j'ai regardé un petit peu de. Tant mieux, ouais, ça dépend pour qui. Pour le portefeuille. Pour les cadeaux, oui, pour le portefeuille. Certes, hein. Mais... Bah, moi, personnellement, je sais qu'il y a plein de trucs qui me plaisent si on veut me faire des cadeaux, donc il n'y a pas de problème. Hein. Bah, tu vas pouvoir en parler. Donc, je vais vous parler d'une sélection de bouquins. Il y a quelques bouquins qui sont sortis, qui sont plutôt sympas. Donc, les livres reviennent. Hein. Depuis l'année dernière, on a des trucs plutôt sympas. Ouais, tous les ans, on a des bons bouquins. On a eu le droit à la Planète des Singes l'année dernière. D'ailleurs, je l'ai. Un très bon bouquin pour excellent les femmes, bouquin. Excellent bouquin. On l'avait dit. Cette année, donc j'en reparle pas parce qu'on en a parlé pendant la spéciale Retour vers le futur. Mais oui, il y a le livre, futur, le bouquin. Un livre absolument sublime avec des photos inédites, des facsimilés dedans. Ouais. Vous retrouvez des objets, des trucs comme ça. C'est par vraiment contre, faut super. Pas l'acheter sur Amazon parce qu'il y en a plus des neufs. Il y a que des petits plaisantins qui le vendent à 77€. Alors ceux-là, ils se touchent. Hein. Donc, non, oui, parce que tu fais bien de le signaler. Ouais, c'est épuisé c'est chez l'éditeur. Je l'avais dit l'autre fois, mais c'est. Mais il y en a encore plein à la Fnac. À la FN, assez de Clermont. Mais c'est pas le cas partout, apparemment. Ah bon, bah sur Lyon, il y a quelques problèmes d'approvisionnement, y compris sur Paris. Bon, je vais l'acheter demain, alors, avant de me faire enfler. Il en reste en stock, tu as le temps. C'est vrai qu'on est un petit peu à part, nous, je sais pas, être la planète Clermont, il y a moins de... Ouais, mais ici, les gens, ils ont pas de goût. Alors justement, chez le même ils éditeur... Ils achètent pas les trucs bien, ici. Chez le même éditeur, qui est Ciné-Télé, hein, ça ne t'a pas échappé. Ah, je crois que c'était Huguin et Muguin. En fait, c'est Ciné-Télé qui distribue. Donc, c'est Huguin et Muguin. Oui, pour la. Et aussi la partie, SOS Fantôme. Exactement. Non, ça s'appelle Ghostbusters, toute l'histoire de SOS Fantôme. C'est sorti donc, le 6 novembre. Alors, ce qui est, je ne savais pas, c'est que dans les auteurs, il y a une participation d'Ivan Reitman quand même. Ah, bah oui, donc le réalisateur. Donc, pour tout savoir sur la série, la genèse, comment ils ont fait les films, les trucages, les machins. Il parle même de la série animée dedans. Les séries animées, il y a aussi la deuxième, Extreme entre Ghostbusters. Entre autres. Ah ouais. Il y a aussi des facsimilés. Alors, le livre est très bien, mais je le trouve un petit peu moins bien quand même que moi Retour aussi. Vers le futur. Moi aussi. Donc, on est d'accord. On est d'accord. On a le même avis. Oui, tout ça à reste fait. Quand même un super bouquin pour les fans. Oui, oui, tout à fait. Mais c'est pas la même qualité. Non. C'est un bon moins livre. De, ils auraient pu faire mieux, on est d'accord. Bon. Ça reste quand même un bouquin sympa que vous pouvez, si vous êtes fan, vous faire offrir. Donc, une bonne idée de cadeau. Si vous aimez bien les livres, pourquoi pas les deux, Retour vers le futur. On va sûrement pas en aussi. Parler, mais j'en profite aussi pour le glisser. Pour les fans de Mylène Farmer, il y a aussi un bouquin qui est sorti. Mais c'est franchement que de l'artbook, là. Il n'y a pas grand chose à lire. Hein. Donc, je ne sais pas ce que pensent les fans de Mylène, mais voilà. En tout cas, c'est chez qui on parle de la vilaine fermière dans Génération Manga. Et n'oublie pas qu'elle a fait un clip manga. Oui, mais c'était une erreur de jeunesse. Et elle a fait aussi une chanson pour le film Erasmo Moquette, je crois, un oui, truc exactement, comme ça. Exactement. Tu vois, je ne suis pas hors mais de propos. Erasmo Moquette n'a rien à faire dans cette émission. Ça, je suis d'accord. Ça, je suis d'accord. C'est mauvais, l'Erasmo Moquette. Donc, pourquoi en parler? Bah, juste pour dire qu'on est au courant. C'est un clin d'œil. On aime bien les clins d'œil. Voilà. Alors, si vous êtes fan de 007, c'est la James Bond, il y a le nouveau film qui est sorti. Il y a le nouveau film qui est une tuerie, donc je vous conseille d'aller le voir. Mmh. Alors, je ne vais pas spoiler, mais... Ah non, surtout pas, je n'ai pas vu, moi. Alors, je vais rester sur ce que je dis à chaque fois. Donc, c'est un très bon film, hein, avec Daniel Craig qui assure, mais vraiment... C'est le meilleur de ceux qu'il a fait. Hein, un mieux Casino Royale. Ouais, je le trouve mieux. Ouais. Une réalisation à tomber, il n'y a pas de temps mort, des cascades, des gadgets, enfin, c'est super. Mm-hmm. Pour les nostalgiques, bien évidemment, ça ne vaudra jamais c'est la fameuse connerie. Période de « J'ai encore fait une connerie », oui, qui faisait un très bon film, et de « Monsieur Roger Moore ». Roger Moore, bien sûr. Bien sûr, c'était des périodes différentes, mais ça reste quand même un film exceptionnel. Il faut se remettre un petit peu dans le contexte. Hein, on n'est plus du tout... on va dire, dans le même milieu géopolitique que les années 70-80, il n'y a plus la guerre froide, enfin, dans les grandes lignes. Et est-ce que, ouais, bah, si, on voit Blofeld. Chut, on ne dit rien. Si, on le voit dans la bande-annonce. Il faut aller voir le film, bon, alors on peut le dire. Alors, okay, dans un très bon bouquin, et donc évidemment, à chaque fois qu'il y a un nouveau James Bond, bah, on en profite donc, pour ressortir des choses un petit peu sur la série. Alors, il y a deux bouquins qui s'appellent pareil, à une petite nuance près, donc je voudrais en parler. Ah, vas-y. Donc, il y a deux bouquins qui s'appellent James Bond, l'encyclopédie. Et l'encyclopédie de James Bond, d'où la... Non, et l'autre s'appelle James Bond, l'encyclopédie 007. Ah ! Oh, la nuance ! Alors, il suffit que vous mettiez ça sur votre liste et que la personne se trompe. Et puis, voilà, vous n'avez pas le livre. Surtout qu'il y a une bonne différence entre les deux bouquins. Il y en a un qui est mieux que l'autre. Beaucoup mieux que l'autre. Mieux que l'autre. Ah, oui. Donc, le premier, James Bond, l'encyclopédie, ça, c'est le moins bien. Il est quand même bien, attention. Uh-huh. Qui est sorti le 1er octobre chez Grund. Uh-huh. Donc, il vaut 29 euros. C'est de John Cork et Colin Stutz. Ah, donc, la pochette, la couverture, pardon, pour se donner une idée, il y a marqué James Bond, l'encyclopédie, en gros, avec des lettres bleues. Mm-hmm. Voilà, et puis on voit une photo. D'accord. Mais bon, en même temps, des encyclopédies de James Bond, ils en sortent déjà à 50 000. En fait, ils sortent à chaque fois qu'il y a un nouveau film. Donc, il est pas mal, mais il n'est pas assez détaillé. Ouais. Il n'y a pas assez de photos. C'est... plutôt une introduction pour quelqu'un qui voudrait se familiariser un peu plus avec Bond, voilà. Mm-hmm. Alors par contre, l'autre... C'est une tuerie. Fait par un petit gars de chez nous, Guillaume Evin, et oui. Dis-moi tout. Sorti chez Hugo Images, l'éditeur, je ne connaissais pas cet éditeur. Non, il vaut moins cher et il est mieux, il vaut 24 euros. C'est sorti le 4 novembre. Donc il faut prendre celui là, où il y a 007. Voilà, absolument sublime, il y a tout, on détaille tout, film par film, il y a beaucoup plus de photos, il y a des documents qui sont un peu plus intéressants. Donc je vous conseille vraiment celui-là. Si vous êtes fan, s'il y a un cadeau, soit vous faites le cadeau, soit vous recevez le cadeau. Celui-là, il faut demander. Hein. Ouais, le 007. Donc, celui-là, il y a 007 en plus. Il est beaucoup mieux. Ouais. Et pour les fans de Bond, je conseille vraiment celui-ci. Hein. Là, franchement, c'est du bon bouquin. Et puis, évidemment, des bouquins dont on a déjà parlé, mais qui sont toujours dispo, dont les fameux livres de notre ami Carletti. Monsieur Carletti. Oui, Sébastien Carletti, bien sûr, nos années récréa 2, nos années récréa 2, nos années étranges, nos jouets 70-80, ouais. Qui sont toujours disponibles, qui sont de très bons bouquins, puis on n'a pas fait mieux depuis. Il y a aussi Génération Casimir, pour ceux qui aiment ça, qui est à France Loisirs et que j'ai vu à France Loisirs avec un gros macaron, 6 euros. Et il paraît que c'est louche, parce que j'en ai parlé du coup à Arnaud Magnier, qui est co-éditeur, et il m'a dit qu'on pouvait le trouver au moins cher, 16,99, donc il trouve ça étonnant que ça soit à 6 euros à France Loisirs. C'est peut-être une promo adhérente, sachant que pour acheter chez France Loisirs, il faut avoir Il faut avoir la carte, d'accord, mais enfin, il y a un gros macaron 6 euros, donc voilà. Donc, C'était peut-être un exemplaire de présentation qui brade. Peut-être, parce que c'est celui qui est ouvert, effectivement. En tout cas, bon, si on aime Casimir, très beau bouquin. Voilà, mais bon, j'aime pas, mais voilà. Beaucoup de photos, très documentées. Mais il y a tout sur Casimir, bon, si t'aimes Casimir. Voilà. Les gens chantés, tous ces conneries. Enfin, donc voilà, pour les bouquins, il y a un cadeau aussi amusant. Donc, ils avaient fait ça il y a quelques années, ils remettent ça donc, pour Noël. C'est le bouquin de votre année de naissance. Oui, bah comme à tous les ans, en fait, ils ressortent le même en changeant la date. Ils ont rajouté des choses. La collection, par exemple, Ma Jeunesse 70-80, il y a un peu plus de trucs que dans le... Ouais, ils ont refait un petit peu la maquette, ils ont rajouté augmentée. Quelques photos, voilà, version augmentée. Ouais. C'est assez sympa. Et il y a carrément les bouquins plus petits aussi, mais par exemple, années 74, 75, enfin, etc. Toutes les années, ça part des années 60 jusqu'à 90. Et vous retrouvez tout. L'actualité de l'époque, cinéma, BD, dessins animés, enfin bref, les loisirs, les sports, tout, quoi. C'est sympa, quoi. C'est un petit cadeau, clin d'œil, je trouve ça plutôt agréable. Voilà pour ce qui est un petit peu bouquin, loisirs. Alors, au rayon manga, ça y est, cette semaine arrivent les deux premiers volumes chez Black Box de Cobra. Donc, oui, je saute au plafond, comme tu peux le constater. Alors, tu devrais, parce que l'édition est exceptionnelle. Pour une fois, Black Box a fait un bon boulot. Alors là, on applaudit quand même, parce que c'est vrai que les effets d'annonce vont bon train à chaque fois, et puis on se retrouve avec un papier soi-disant de luxe et qui est fin comme du papier à cigarette. Ouais. Donc, on voit un peu le carnage. Là, ils ont vraiment fait un effort, ils ont bougé les fesses Actuellement, c'est ce qu'ils ont sorti de mieux. Et donc, c'est dispo à partir de mercredi dans les meilleures librairies, en tout cas qui travaillent en partenariat avec Black Box. Et donc, on va pouvoir retrouver cette édition de luxe qui, pour le coup, est vraiment une édition de luxe. D'accord. Donc du coup, bah, pourquoi pas, pour se remettre dans l'ambiance, on sert un petit BGM du soundtrack de Cobra. Allez, on est comme ça, nous. Hein. Et on se retrouve après. Donc, a smoke of a cigar. Smoke of a cigar. Toujours une dérivée du générique, formidable. Voilà. Avec de Yuji Ono, puisque c'est Kentaro Haneda qui a fait le soundtrack. Tout à fait. Hormis générique de début et de fin, et donc les thèmes associés. Donc, toujours dispo, enfin, difficilement trouvable. Le double CD avec tout. Double CD avec tout, moins 2-3 titres. Ah, il n'y a jamais tout. C'est pas 100% intégral. C'est un compte, ça, quand même. Alors, il faut quand même reconnaître que c'est un super CD. Jamais on aurait espéré avoir autant. Il y a 99% de la BO quand même. C'est assez rare, hein, parce que comme tu dis, ouais, on a toujours un petit truc. Mm. Il n'y a vraiment que 2-3 thèmes qu'ils n'ont pas réussi à retrouver. Mais on a vraiment tout le reste. Le thème de l'homme de verre, le thème du rugby, etc. C'est vraiment un super CD. Je pense qu'on est fan de soundtrack de manga. C'est un des CD à avoir absolument dans sa collection. Hein. Absolument. Ouais. Donc voilà, pourquoi pas, si vous avez la chance de le trouver, disponible encore au Japon sur certains sites. Alors attention, ne pas acheter sur Amazon, par contre, parce que le CD vaut quand même la bagatelle d'une 60aine d'euros. Bah ouais. Faut pas exagérer quand même, sachant que c'est pas un particulier là, qui le vend, c'est vraiment Amazon. Hein, ah ouais. Ouais, ouais. Ah ouais, carrément. Alors je veux bien croire qu'il y a des frais d'import, machin et compagnie, ouais, de douane, mais bon, faut pas abuser quand même. D'accord, faut pousser mémé. Prix-là, hein. Vous n'achetez pas. Voilà. Donc là, vous nous demandez, hein, vous demandez à Christophe les bons tuyaux. Voilà, alors vous, hop. D'ailleurs, si vous voulez donc avoir une idée sur une édition d'un CD, connaître la valeur d'un truc que vous voulez vendre, vous nous laissez un petit message donc sur la page Facebook de Génération Manga, on vous répondra sans problème. Ça me vient donc, c'est un parallèle donc à ce que je voulais dire. Coup de gueule, on le répète jamais assez, mais bon, il y en a plus que marre là. Il y en a marre, des c'est petits, mal à barre. Des voleurs et malins sur eBay qui vendent tout et n'importe quoi. À n'importe quel prix. À un prix exorbitant. Ah, donc on va pas, vous parler un petit peu rapidement de comment se faire une idée sur la rareté. Il y a plusieurs critères. Alors, combien ça coûte? Alors, avant de parler de ça, tu vas rire. J'ai vu un carton Mattel, les maîtres de l'univers. Vintage, certes, de l'époque, donc qui contenait les boîtes du Prince Adam. Donc c'était le carton dans lequel il y avait les blisters qu'on avait au magasin. Mais attention, il n'y a pas les blisters dedans. Bah évidemment, c'est un carton vide. Et le mec vend le carton. Ouais. Attention, attention. Oh là. Attends, 80 euros. Ouais. C'est un carton vide, hein. C'est juste un carton où il est imprimé dessus Mattel Masters of the Universe. Donc faut arrêter là le délire. Après, je veux bien lui reconnaître que c'est rare d'avoir ça. Mais quel est l'intérêt? Il n'y a rien dedans. Ouais, non, mais il y a des fous. Attends, tu sais qu'aux US, il y a des gars qui achètent une fortune un blister simplement parce qu'il y a un liseré jaune autour. Parce qu'on les a eu qu'en France, ceux-là. Mais il y a la figurine dedans. Mais oui, encore heureux. Là, il n'y a rien du tout. Mais c'est un carton imprimé. Ouais, ouais. Un carton imprimé. Bref. À la limite, on devrait se renseigner pour les faire nous-mêmes, ces carton, on doit pouvoir l'imprimer. Hein, donc, on vous l'a dit et redit, c'est pas parce qu'un truc coûte cher, forcément, qu'il est rare. Il les vaut. Que ce soit une figurine, un CD, un DVD, un livre, un manga, tout ce que vous voulez, oui. Il y a plusieurs critères à prendre en compte. Tout d'abord, le nombre d'exemplaires. Certes. Ça, c'est important. Il est clair que moins il y a d'exemplaires, plus éventuellement ça peut coûter cher, on va dire. Après, il y a le nombre d'exemplaires et le nombre de gens intéressés. Voilà, alors il y a l'intérêt. Alors, autant il y a des séries qui sont cultissimes, hein, par exemple Saint Seiya, Dragon Ball, City Hunter, etc. Mm-hmm. Faut qu'il y ait de l'intérêt, forcément, si c'est quelque chose qui est très peu collectionné, très peu recherché, qui n'a pas beaucoup d'exemplaires, ça ne lui confère pas une rareté, on va dire. Voilà, c'est ça. Donc, le personnage, la série, le groupe, si c'est de la musique, etc., donc ciblé, le nombre d'exemplaires, l'édition, alors important l'édition, parce que vous avez des éditions limitées, donc c'est toujours la première série de l'édition qui compte. Par exemple, si elle se vend bien, on peut faire une réédition de l'édition limitée. Ça, ça n'a aucune valeur. Bah oui. Celle qui a de la valeur, c'est la première série qui est sortie. Mais comment qu'on le sait ? Alors, il y a plusieurs choses pour le savoir. D'une part, par la référence. La référence peut évoluer. Au cas où ne change pas, ça c'était spécialiste, il y a certains éditeurs qui faisaient ça, ils changeaient pas la. Ils changeaient rien. Vous pouvez le voir en demandant au vendeur éventuellement s'il a gardé son ticket de caisse à la date d'achat. Ouais, bah ça à mon avis. si, ça peut. Le vrai le mec sérieux, oui. Ou alors petite astuce, demander aux collectionneurs qui eux donc connaissent. Son parfum. Parfum. S'il n'y a pas l'impression, qu'on dirais-je. L'impression... Je ne sais pas, l'impression... Pour un vinyle, voilà, je vais y venir. Le pressage. Le pressage, oui. L'imprimeur, voilà, je vais y arriver. Ouf. Je rame, j'arrive. Brrr. Je vous donne un exemple. Il y a des vinyles donc, qui ont eu plusieurs impressions. Oui, il y a des variantes. De pressage différent, mais d'imprimeurs différents. Et donc ça, c'est toujours mentionné, par exemple, sur le vinyle. Idem pour un CD, par exemple, qui sera en édition limitée. Il suffit de regarder le CD, de regarder la matrice, qu'on appelle la matrice. Quand vous tournez, vous avez la piste enregistrée. Et il y a des espèces de chiffres, de petits signes au centre du CD. Ah oui, dans CD. Le rond, il y a des trucs voilà. dans la partie transparente. C'est là que vous allez pouvoir voir quelle est l'édition, si c'est la première, la first print ou pas. D'accord. Voilà. Donc, il faut faire attention à tout ça. Et donc, vous pouvez avoir une idée de la rareté. Voilà. Et donc, tous les CD singles des Amis de Dorothée que je parlais tout à l'heure, ça ne vaut rien du tout. Ça ne s'est pas vendu à l'époque, c'est pour ça que c'est rare, mais personne n'en veut aujourd'hui. Donc ça vaut que dalle. On récapépète, l'intérêt du personnage, de la série, du groupe, de l'œuvre, du film, etc. C'est encore connu le nombre d'exemplaires, le pressage, donc le type d'imprimeur, de presseur, etc. Et, l'oppresseur. Si c'est un first print, une première édition ou pas, le type d'édition. Oui, bah, y a plein de choses qui... Et tout ça, donc, et la demande, l'offre et la demande, comme on a dit, du marché, vous donne une idée un petit peu de la rareté. Donc, bien évidemment, si vous avez du mal, bah, demandez. Il y a toujours des spécialistes, des collectionneurs qui sont sérieux, qui feront avec plaisir une petite estimation. Voilà, donc les Dorothée Magazine à 150€, c'est n'importe quoi. Ça, personne ne l'achètera. Il faut arrêter de délirer, les gars. Hein. Donc, si vous avez des CD, que vous voulez faire une petite estimation, vous ne savez pas ce que ça vaut, ou vous voulez acheter, mais vous avez un petit doute, vous nous demandez. Et voilà. Puis, donc, on vous fera part de notre expérience et on vous dira un petit peu ce que ça vaut. J'en avais parlé pour les CD japonais. C'est vrai que tous les CD, parce que c'est japonais, ça vaut la peau des fesses, que ce soit AB, ailleurs, ou eBay, pardon. AB, ça vaut rien. Ça vaut rien, etc. Non, ça dépend vraiment des séries. Je vous donne un exemple. Tout ce qui est, par exemple, Dragon Quest. Les CD Dragon Quest, donc de Fly, hein, c'était Fly chez nous, sont assez recherchés, il y a beaucoup de demandes. Ça ne s'est pas tant vendu que ça au Japon, donc ça, oui, ça vaut cher. Donc les 4 soundtracks, la vraie cote, on va dire, est entre 50 et 70€ au maximum le CD, ce qui est déjà pas mal. Mais ça ne vaut pas 150, 200, comme on a pu voir, donc oubliez. Alors Dragon Ball, contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est très courant. Donc il y a eu des éditions, etc., mais... Oui. C'est très courant, donc en fait, ça vaut 20-30€ maximum. Et encore, ça dépend vraiment des titres. Il y a des petites curiosités. Par exemple, le soundtrack de Pygmalion. Donc, il y a quand même une petite demande, même s'il n'y en a pas autant qu'une série comme Saint Seiya, par exemple. Parce qu'il y a eu très peu d'exemplaires du soundtrack. Ça n'a pas du tout marché, ni la série, ni le soundtrack à l'époque au Japon. Et c'est très recherché. Donc, en bon état, c'est des complets avec le hobby. Donc, le hobby, c'est la bandelette avec les inscriptions japonaises. Ça peut dépasser les 100€ par contre. Vous voyez, il y a des petites nuances, donc il faut vraiment bien connaître. 51 degrés. Et surtout, ne pas se faire avoir. Non, n'achetez pas n'importe quoi. C'est pas parce que c'est cher le prix, quand on vous dit que c'est rare, que, hein, etc., que ça vaut vraiment ce qu'on veut vous faire donner. Attention. Donnez-moi. Donc ça, c'est important. Ouais. L'état aussi, j'ai oublié. L'état, c'est le dernier critère. C'est le béaba, ça. L'état de l'objet. Mon truc est tout pourri, est-ce qu'il vaut quelque chose? Si c'est pas complet, si la pochette est abîmée, s'il y a des rayures, etc. C'est mort. Ça perd de la valeur. Un CD japonais, par exemple, s'il n'y a pas le hobby, donc la fameuse bandelette dont je parlais, bah, la cote baisse. Dramatiquement. Et bien évidemment, si l'objet est neuf et scellé, alors là, le prix, la cote est beaucoup plus élevée. Donc voilà, arrêtez de vous faire avoir, parce qu'on croise sans arrêt des gens qui nous disent « Ouais, super, j'ai trouvé un truc rare qui n'est pas rare, qu'ils ont payé une fortune, la peau des fesses. » Donc après, vous n'avez plus que les yeux pour pleurer, c'est quand même dommage. Alors qu'à nous demander, ça ne coûte rien, on est gratuit. Oui, bien sûr, vous auriez pu trouver ça pour pas trop cher. Il y a quand même des gens sérieux encore sur les sites presse ministère et compagnie. Il y en a de moins en moins. Parce que... Alors, ça me revient, un deuxième coup de gueule. C'est la fête au village, vas-y. C'est que y a de plus en plus de chercheurs de brocantes, il y a plus de demandes que d'offres, bien évidemment, donc on trouve pratiquement plus rien. Ça, que c'est ce soit clair. Jeux, figurines ou autres, on en a fait une expérience d'ailleurs. Justement, on a fait le troc info. Alors ton troc info, toi, finalement, au final, est-ce que tu as trouvé quelque chose ou t'es bredouille? Au moins. Voilà. On trouve plus rien déjà parce que... Figure-toi que j'ai trouvé un 45 tours d'Edgar. Alors c'est rare, seulement c'était pas le disque dedans. C'est pas le bon disque. Alors, c'est un truc que je dis, si vous cherchez des disques, toujours vérifier que c'est le bon disque dans la pochette. Tu n'as pas acheté? Bah si, parce que je vais quand même la pochette. Enfin non, je l'ai pas acheté techniquement parce qu'il me l'a donné le gars. Mais je veux dire, rien que pour la pochette, faut le ramasser quand même parce qu'il est rare. Donc voilà. Alors c'était quelle pochette? Parce qu'il y en a une la qui voiture. Est rare et celle qui est pas rare. Non, elles sont rares toutes parce que c'est rare tout, Edgar. Sachant que pour la voiture, il y a deux pressages de voiture. Une des voitures, la voiture couleur verte avec fond vert. Et il y a pas le disque dedans. Non, c'est pas le bon disque dedans. Un coup loupé. Voilà. Vous voyez un peu. Donc pour en revenir à ça, c'est qu'il y a des petits malins qui ont compris qu'il y avait beaucoup de gens qui cherchaient, donc forcément il y avait de la maille à se faire, et donc maintenant ne vendent quasiment plus que sur internet, donc eBay, Presse Ministère, avec des prix exorbitants. Mais donc ils vendent pas du tout. Et donc alors le problème, c'est qu'il y a toujours envie de dire des couillons un pour pigeon finir par acheter. Donc certes tout ne se vend pas, mais ils ont complètement déstructuré le marché, faussé les prix, et on arrive à du grand n'importe quoi. Donc voilà, c'est un petit peu dommage quand même. C'est clair. Donc, on trouve toujours les mêmes choses en brocante du jeu pour les jeux vidéo du PS1 et du PS2. Mais En dessous, tu trouves plus. Le reste, on trouve plus. Ah, même les jeux DS intéressants, on n'en trouve plus du tout. C'est quand même dommage. Alors qu'il y a quelques années, tu te baissais pour en ramasser. Oui, parce que tu disais, les 45 tours, on n'en trouve plus, surtout de générique ou de soundtrack. Ouais, c'est très, très rare. C'est clair. Les mangas, bon, on se trouve que des choses basiques, donc les figurines, on n'en trouve plus non plus. Alors ça, c'est pire que tout, il n'y en a plus du tout, ça. Il n'y a même pas de Batman, de Power Rangers, pourtant un truc basique, il n'y en a même pas. À croire que plus personne n'en achète, je ne sais pas. Donc, alors, c'est quand même, Playmobil, c'est quand même dommage. Voilà, donc faites attention, donc si vous voulez faire des petits cadeaux à la famille, aux copains, etc. pour Noël, et que vous essayez d'acheter sur eBay, soyez très méfiants sur la cote réelle de ce qui est proposé, des prix, de l'état de l'objet aussi. Et donc, en cas de doute, abstenez-vous, hein, parce qu'on voit tout et n'importe quoi. Ou alors 3615@archangelocristophe, et puis on vous dit. Voilà, on vous dira vraiment ce que ça vaut, donc au niveau cote. Ça vaut zob, pas un pet de canard. Voilà, c'était le petit coup de gueule. Donc, bien sûr, dans les prochaines émissions, avant Noël, on vous fera part de d'autres listes d'idées cadeaux. Hein, oui, c'est promis, j'arrête de parler de ce CD. T'as raison, je vais lui faire trop de pub. Alors maintenant, l'achetez pas. Mais non, le mal est fait. Ne l'achetez pas, c'est tout ce que je peux vous dire. Donc, vous on a parlé des bouquins. Hein, la prochaine fois, on parlera des coffrets, sachant qu'il y en a beaucoup moins cette année, qu'il y a très peu de choses intéressantes. Oui, il y a quasiment que dalle qui sort. Mais on parlera d'autres goodies. Ça, pour le coup, ça sera peut-être le Noël des goodies, des objets un petit peu dérivés des séries qui sont plutôt sympas. Il y a des trucs. Plutôt agréable en termes de séries, parce qu'il y a beaucoup de choses revival qui font leur retour. Donc on parlera de tout ça dans les prochaines émissions. Voilà. Voilà. Sinon, est-ce que tu as... Oui, parce que tu es auditeur, donc tu écoutes quand tu n'es pas là. Tu sais que notre ami Lorenzo sort son single « Nos années Dorothée ». C'est sorti en CD. Oui, j'ai vu qu'il avait sorti ça. Par contre, au niveau distribution, ça marche comment? Parce qu'on le voit nulle part. Il n'est pas distribué. Il faut le commander à lui expressément et uniquement, bien d'accord, entendu. Donc il est disponible chez lui, rien que chez lui. Et puis c'est tout. Bah, oui, c'est déjà pas mal. Hein. Donc, si vous voulez avoir les coordonnées, vous demandez à Suggération Manga, vous donnera tout, bien entendu. Voilà, et puis on peut écouter le titre, si je dis pas de bêtises, toujours sur YouTube. Oui, tout à fait. Et aussi, nos amis d'Astéro H ont le projet de sortir un album, parce qu'ils avaient sorti un petit single avec quelques titres dessus. Là, ce coup-ci, ils font carrément le gros album avec beaucoup de chansons. Ils sont renseignés pour les droits et compagnie et tout ça. Donc, vous allez voir un beau CD, un vrai CD, Astéro H, avec toutes les reprises, tout qui va bien. Donc, on vous tient au jus, bien entendu. Qui sont cette semaine en animation au Champ Nord. Donc, c'est dans la région de Clermont-Ferrand. Ah, bah, je savais pas ça, tu vois. Il me l'a pas dit. Toute la journée, donc, horaire, bah, sur leur page Facebook. Et ils chantent des génériques. Ils chantent, ils font des animations. Puis, apparemment, il y a des petits trucs sympas. Tu dis que c'est quand ? C'est dans la semaine. Dans la semaine, il faut aller voir ça. Regardez sur leur page, je sais plus. J'ai dit au vendredi. Je vais aller leur faire un petit coucou, alors. Au Champ Nord. Si vous êtes dans la région de Clermont. Donc, au Champ Nord, c'est proche de Rion. Oui, c'est en allant sur Rion, tout à fait. Donc, on ira les voir. Et je vais pousser la chansonnette avec eux, il n'y a pas de raison. Voilà. Ça va être l'heure de se quitter. Il est l'heure, monseigneur. Il est l'heure de se quitter. Et promis, dans les prochaines émissions, on ne parle plus de ce truc. Non, mais de quoi on parle ? Non, on ne parle plus de rien. Allez, on se quitte avec une jolie petite parodie pour ceux qui ne savent pas écrire ça comme il faut. Il y en a encore, malheureusement. Allez, à la semaine prochaine, et ce ne sera pas un Arstaff. Nigo. Voilà. Ça va démarrer, vous inquiétez pas, hein. C'est juste que c'est diesel, c'est un petit peu loin la compronote, mais elle va démarrer normalement, hein. Un jour. Je l'ai lancé, alors ça vient, oui, non, il veut pas, je ne sais pas, qu'est-ce que c'est que cette merde. Ah, oui, quitte. Bon, bah écoutez, ça ne marche pas. Alors tant pis, on va se quitter avec autre chose, hein. J'ai pas envie d'y passer Noël, vous non plus. Donc on se quitte avec Antique, à la semaine prochaine, ciao. Ces mystères, quand les ombres font peur, le pouvoir de la lumière éclairera ton cœur. N'abandonne pas, si tu es fort, tu auras tout le pouvoir. Garde la foi, tu survivras. C'est la force qui est en toi. Crie très fort et n'oublie pas. Des jours anciens raconte une belle histoire, un pour tous et tous pour un combat.